بسم الله الرحمن الرحيم. فماذا يا إخواننا؟ فدعوتنا عندنا أغلى من الذهب وأغلى من أرواحنا، أغلى من أرواحنا التي هي عندنا أغلى من الذهب، فلسنا مستعدين أن ندنجها ولا أن نلوثها، ولكن دعوة إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وسن فيهما النجاة، وخلاف الكتاب والسنة لا يؤدي إلى بر الأمان. ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم، والله يختص برحمته من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. فلهذا يحاربون هذه النعمة بما يسمونه تحديد النسل، أي limiter les naissances أو تنظيم النسل، contrôler les naissances. طهمونير ابن أحمد المغربي حفظه الله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، يقول الله جل وعلا في كتابه الكريم: والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة ورزقكم من الطيبات فبالباطل يؤمنون وبنعمة الله هم يكفرون. في هذه الآية الله سبحانه وتعالى يبين أن من نعمه على المسلمين نعمة الأولاد والبنين. قال عز وجل: وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة. هذه النعمة أخي الكريم، le fait d'avoir des enfants, c'est une نعمة من نعم الله سبحانه وتعالى. فيجب على الجميع الحفاظ والعناية بهذه النعمة. On doit tous faire des efforts et préserver ce bienfait, le fait d'avoir des enfants. قال العلامة المفسر الشيخ سعدي رحمة الله عليه في تفسير هذه الآية قال: يخبر تعالى عن منته العظيمة على عباده حيث جعل لهم أزواجا ليسكنوا إليها. La première نعمة qui est citée dans ce verset, le premier bienfait, نعمة الزواج. والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا. هذه نعمة عظيمة، لأن cette نعمة elle permet à cet homme de se préserver, à cette femme de se préserver. Cette ni'ma, c'est un moyen de s'entraider dans le bien. Cette ni'ma, c'est un moyen de se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. قال الشيخ سعدي رحمة الله عليه قال وجعل لهم من أزواجهم أولادا. La deuxième ni'ma qui est citée dans le verset, قال عز وجل وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة. قال الشيخ سعدي رحمة الله عليه وجعل لهم من أزواجهم أولادا تقر بهم أعينهم يخدمونهم ويقضون حوائجهم وينتفعون بهم من وجوه كثيرة. Ça c'est parmi les bienfaits d'avoir des enfants. أولا تقر بهم أعينهم. صحيح. Le père et la mère, quand ils voient leur enfant jour en jour grandir, ils l'éduquent, ses premiers pas, son premier sourire, ses premières paroles, هذا لا شك أن سلّرهم جوايو. C'est نعمة من نعم الله سبحانه وتعالى. قال ويقضون حوائجهم. Et quand cet enfant est grandi, خاصة s'il a été éduqué à l'islam, à la Coran, à la Sunna, et il connaît le droit de ses parents, il leur sera utile جداً. ويقضون حوائجهم. قال وينتفعون بهم من وجوه كثيرة. حتى في الآخرة. كما سيأتي معنا أن l'enfant, si son père il meurt ou sa mère il meurt et c'est un enfant صالح, il fait des invocations, c'est une cause que ce parent, que ce soit le père ou la mère, ils sont élevés fil djenne. La cause, c'est l'invocation, le dua de cet enfant صالح pour ses parents. يستغفر لهم. كذلك c'est une cause de شفاعة. وروى الإمام أبو داود رحمة الله عليه وغيره عن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم الأمم. الحديث صححه الإمام الألباني رحمة الله عليه. وهذا فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم إنوزا كونسيي دو فير دي زيفور في هذا الباب. تزوجوا الودود الولود. والولود أي لا فام كي بإذن الله عز وجل أل بو أفواغ بوكو دونفون. فهذا سمقصد شرعي. الشريعة الإسلامية كما في هذا الحديث أن نمونتر أن سيت انتونسيون دو فير دي زيفور في هذا الباب دافواغ des enfants, c'est un maqsad shara'i. Et celui qui a cette intention, bi'idnillahi azza wa jal, il est ma'djour. Lakin i'lamu, hafidhakumullah, anna ma min ni'ma, an'amaha Allahu azza wa jal, ala ibadihi al-mu'minin, illa wal-a'da, a'da'ullah azza wa jal, wa'a'da' rusulih, fayuharibun, ويجتهدون في سلب هذه النعمة على المسلمين. هذا on doit le savoir et on le sait, on doit le propager. أن chaque نعمة que Allah سبحانه وتعالى nous a donné, tu trouveras Iblis, عدو الله وجنود Iblis, كذلك ceux qui le suivent, ils feront tout pour t'enlever cette نعمة أخي المسلم. قال عز وجل ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق. Ce verset, Allah subhanahu wa ta'ala, il te montre que cette ni'ma, la plus grande ni'ma, l'islam, لو الكفار من اليهود ومن النصارى ومن المشركين, si il pourrait enlever cette ni'ma, il le ferait. ود كثير من أهل الكتاب. وتأمل قوله كثير. هاي سيبا اون اكسبسيون لا سي كثير منهم يسوع على هذا. قال لو يردونكم من بعد ايمانكم كفارا. ست نعمه الاسلام سي بوغي اتلون ليفري اي تو دوفياندري ان كافر كوم لي. وقال عز وجل ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء. ودوا المودة معروف vouloir une chose, aimer une chose. Leur désir, هؤلاء الكفرة لو تكفرون كما كفروا. أي c'est qu'on perd ce dîme, on devient des kuffars comme eux, حتى il n'y a plus de différence entre nous et eux. لأن الكافر il a ce mabda, il a peur de l'autre, il a peur de la différence. فلهذا il veut que tu sois comme lui. ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء. فست نعمة الإسلام لو استطاعوا لسلبوها عنك أيها المسلم. نعم بل كما أخبر الله سبحانه وتعالى ما يحبون أن ينزل علينا من خير من ربنا. n'importe quel bien, hatta un bien qui est minime, hatta une petite chose, tant que c'est du khayr, a'da'ullah subhanahu wa ta'ala, ils ne veulent pas qu'on est touché par ce bien. Qala azza wa jal, ma yawaddu alladhina kafaru min ahli al-kitab, wala al-mushrikina, an yunazzal alaykum min khayrin min rabbikum. Ta'amal qawluhu azza wa jal min khayr. Ils ne veulent pas qu'un bien, quel que soit ce bien, il descend sur nous. Il touche ce musulman. Et parmi ces ni'am, que haoula al-a'da yuharibunaha, ni'mat al-india, ni'mat al-awla, et le fait d'avoir des enfants. Ils le savent que c'est une ni'ma. Et ils le savent que c'est une cause de quwwa. Et ils le savent que c'est une cause de... pour propager le bien, le khayr, si ces enfants ils sont éduqués avec une éducation islamique, ala manhaj as-salaf as-salih, ils savent très bien que c'est pas à leur avantage. فَلِهَذَا يُحَارِبُونَ هَذِهِ النِّعْمَةَ بِمَا يُسَمُّونَهُ تَحْدِيدُ النَّسْلِ تَحْدِيدُ النَّسْلِ أي limiter les naissances أو تنظيم النسل contrôler les naissances. Tout ça خاصة في هذه الآونة الأخيرة يكمبت المسلمين بهذا ولكن كثير من المسلمين لا يعلمون ذلك. فلهذا on a décidé que le sujet de notre cours اليوم ça soit sur cette مسألة مهمة, la contraception en islam. ونسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد. أولا نعطي نبذة مختصرة عن تحديد النسل. أولا un bref historique et aperçu de tahdid al-nasl. Tahdid, c'est le fait de limiter une chose. Al-nasl, c'est la descendance. Enfin, tu peux traduire par contrôler les naissances, limiter les naissances. Hadhihi al-fikra, cette pensée, d'où elle vient? Et comment elle s'est propagée? Et quand est-ce que ça a commencé? Qala al-Sheikh Abdullah البسام رحمه الله تعالى في كتابه توضيح الأحكام شرح بلوغ المرام قال ظهر في القرن الثامن الميلادي donc au 8e siècle bien sûr les années le calendrier chrétien قال عالم اقتصادي انجليزي أي un anglais اسمه مالت قال اشتهر بنظريته في تحديد النسل خشية من نمو السكان. Cette année, ou cette période, le 8e siècle du calendrier chrétien, ظهر هذا الرجل, et il a appelé à cette pensée. لماذا? Le fait de contrôler les naissances et de limiter les naissances. لماذا? Ils se sont aperçus que la population, elle était en train d'augmenter. Beaucoup. قال وزيادته تزيد بكثير على نسبة زيادة المواد الغذائية. Ils se sont aperçus en l'explosion démographique. Elle montait en flèche par rapport à la nourriture, etc. Enfin, ils ont vu que la population a augmenté beaucoup et économiquement ça suivait pas. وتعلمون الكفار, ils connaissent pas التوكل على الله. أبدا. فهم هذا الشيء, ils ont eu peur, ils ont commencé à appeler à هذا, contrôler les naissances, حتى la population elle diminue et l'économie soi-disant pour eux elle ira mieux. قال فيحل بالعالم مجاعة, أي ils ont eu peur qu'à la suite la population mondiale elle est touchée par la famine. Et il a الآن cette pensée elle est موجوده. Il a الآن كثير من الدول يزعمون هذا. Et la population elle est trop élevée et pour eux ça touche à l'économie, ils appellent à contrôler ou limiter les naissances. قال وأن توازن السكان مع قدر ما يتوقع إنتاجه من المواد الغذائية آمن من كارثة المجاعة. نعم. أي si ils limitent les naissances, ils contrôlent les naissances, ils vont pouvoir échapper à cette soi-disant famine. قال وما زالت هذه النظرية تتسع وتروج حتى أخذ بها مبدأ اقتصاديا كثير من الدول. صحيح. Jusqu'à de nos jours, c'est devenu une pensée qui est très propagée. Ben, c'est devenu une politique dans beaucoup de pays de contrôler les naissances et de limiter les naissances. قال ثم هذه النظرية دخلت علينا نحن المسلمين. للأسف. Beaucoup de ces pensées qui sont propagées عند الكفار كثير منها elle touche la population islamique. نعم. كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم لتتبعون سنن من كان قبلكم شبرا بشبر ودراع بدراع حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه حديث أبي سعيد. نعم. أي النبي صلى الله عليه وسلم il a montré que cette أمة ne suivra pas à pas إلا من رحم الله سبحانه وتعالى pas à pas va tous suivre حتى بهذا نسأل الله العافية. قال نحن المسلمين مع أعداء المسلمين من أعداء الإسلام. نعم. الذين يكيدون للإسلام ويريدون أن يقللوا من عدده. Ça كذلك c'est la deuxième cause. Et c'est celle qui est propagée de nos jours جدا. أي le but c'est que المسلمين لا يتكاثروا. Le but c'est que la population islamique elle augmente pas en nombre. وتعرفون لماذا وتعرفون مقاصد هؤلاء. قال فراقت لكثير من أتباع الغربيين فأخذوا بها معجبين بآراء أصحاب العقول القاصرة والأنظار القريبة ومعرضين عما جاء عن لدن حكيم خبير هو الذي خلق الخلق وتكفل برزقهم. نعم. هذا للأسف. للأسف بعض المسلمين ils sont dans une ni'ma, نعمة الإسلام, نعمة هذا المنهج, منهج أهل السنة, لكن كثير منهم ils reconnaissent pas cette ni'ma et ils délaissent هذا الخير, هذا النور poursuivre شر الخلق وشر البرية الكفار. للأسف. مع أن المسلم il doit avoir une aqida, une conviction sûre أن الرازق سي الله سبحانه وتعالى. نحن لا pas besoin de les suivre في هذا. Faire baisser la population, ça va résoudre les problèmes économiques et autres. هذا أبدا. Ça c'est une pensée des كفار. أما نحن المسلمون, on a une عقيدة في الله عز وجل. كما قال تعالى وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. ما من دابة. دابة هنا بمعنى tout ce qui est sur terre. Tout ce qui marche sur terre, que ce soit être humain, animaux, tout ça, Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui qui donne. Et c'est lui qui arzak cet être humain, cet animal. Non, enfin, c'est pas une solution d'employer ces méthodes qu'on va citer pour faire baisser le nombre en espérant que ça va mieux économiquement. Ben, les kuffar, comme vous le savez, ils ont un autre maqsad. Eux, c'est muharabat l'islam. Et que la population islamique elle grandit pas, les annahum c'est pas leur avantage. قال الإمام محمد بن صالح العثيمين رحمة الله عليه كما في فتاوى نور على الدرب الجزء السادس قال ولهذا يجب على الأمة الإسلامية أن تعرف أن محاربة تحديد أن محاولة تحديد النسل أو تنظيمه إنما هو من كيد أعدائنا. يجب. C'est une obligation que chaque musulman il connaisse cette pensée l'âne, cette chose qui propage limiter les naissances, contrôler les naissances. هذا سمن أعدائنا. Ça c'est, ça vient des ennemis de l'islam pour combattre l'islam. قال وهو مخالف لما يرمي إليه النبي صلى الله عليه وسلم ولما يوده من تكثير هذه الأمة. صحيح. Ça contredit سنة النبي عليه الصلاة والسلام. Ça contredit les principes qui nous a démontré النبي عليه الصلاة والسلام. Comme on va voir dans cette kalima. قال وتحقيق مباهاته صلى الله عليه وسلم بها الأنبياء. نعم. سيأتي معنا بعض الأدلة في هذا. كذلك يعلموا أن هذا الفعل أي le fait de contrôler, de limiter les naissances c'est من فعل المشركين كما بيّن الله سبحانه وتعالى. قال عز وجل وكذلك زين لكثير من المشركين أي الشيطان قتل أولادهم قتل أولادهم الشيطان زين لهم. Et vous allez voir les causes. أنهم ils ont peur du risque. أنهم ils ont peur de l'avenir. بهذا السبب كثير من هؤلاء المشركين الشيطان il leur a embelli ce fil. Ils ont tué leurs enfants. وإذا الموؤودة سئلت بأي ذنب قتلت قال عز وجل قد خسر الذين قتلوا أولادهم سفها بغير علم. كذلك ستمونت خلنا هذا الفعل le fait d'avoir peur de l'avenir a imma limité les naissances au départ comme c'est propagé l'un. Mais à l'époque des mouchriquins ils n'avaient pas les moyens, ils n'avaient pas Obama, ces moyens là. Après la naissance wal'iyadu billah ils tuaient cet enfant. C'est du zulm, safa. Et nous, à notre époque, ça se ressemble, mais c'est fait avant. C'est fait avant. Il a peur que sa femme, elle tombe enceinte, ou cette femme elle-même, elle a peur de tomber enceinte. Les anna, un problème fil aqida, dha'f al iman, ils emploient certaines méthodes, tout ça, les anna, ils ont peur de l'avenir. Et ils ont oublié, anna Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui le razzaq. Inna Allah huwa razzaq, dhul quwwati al matin. وقال عز وجل ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق أي خشية من الفقر. Ne tuez pas vos enfants comme excuse, vous avez peur de la pauvreté. قال عز وجل نحن نرزقهم وإياكم. فهذا عقيدة المسلم. لا تظن أن سيتوا كي دنا ton enfant أبدا. أنت تسبب. الله سبحانه وتعالى يرزق الحشرات. الله سبحانه وتعالى يرزق الحيتان في الماء. Allah subhanahu wa ta'ala yarzuq qui veut at-tuyur comme des enfants, des femmes, des hommes, des animaux, كل واحد Allah subhanahu wa ta'ala lui donne son rizq. Wa fi as-sama'i rizqukum wa ma tu'adun. هذه العقيده او هذا الفعل في الحقيقه c'est la conséquence d'une mauvaise aqida. Fa as-sabab al-a'zam fi qatl ha'ula al-mushrikeen awladihim qadiman وفي استعمال موانع الحمل في زمننا أي la cause que ces kuffars, ces mushrikoun, ils tuaient leurs enfants à l'époque. Et la cause كذلك que بعض الناس الآن certaines personnes elles emploient des pilules ou autres contraceptives. Et la contraception qu'on va expliquer الآن, tout ça c'est la conséquence de cette aqida al-khawf min al-faqr et la peur de l'avenir. Tout ça لماذا قلة العلم وقلة ضعف الإيمان وضعف التوكل على الله. الشيطان كذلك لنبلي وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم. أخي الكريم أخي المسلم أختي المسلمة on doit faire des efforts في هذا الباب. Vous avez remarqué que chaque mal qui nous touche toujours on revient à ce sabab c'est ضعف الإيمان c'est ضعف التوكل على الله c'est un manque de علم. دائما فالذكي العاقل الفطن يفيد زفور من سي بوان لا لي بروبليم الان كون رونكونتر دون الهجره لا فيبلس كون لا سا ريفيان سا مانك دو علم ايمان ضعيف فيبلس دون توكل على الله. نعم لا فيبلس كون في العلم سو بوان لا فيبلس كون دون سباب لا بور دو لافينير ابليكي لا سنه ربما بور دو كفار تو سا سي سي بوان لا سي بوان لا. Et pour renforcer ces points-là, l'étude de l'aqida, l'étude du tawhid, placer sa confiance en Allah subhanahu wa ta'ala, avoir une croyance, une conviction sur le destin, al-qadr. Cet enfant, Allah subhanahu wa ta'ala, quand il est dans le ventre de sa mère, Allah, comme dans le hadith Ibn Mas'ud, il écrit son risque. Et son ajal, son risque. Il ne mourra pas tant qu'il n'aura pas eu son risque que Allah subhanahu wa ta'ala il lui a qadr. أما فعل الأسباب أم فعل الأسباب لكن سكخشوا أسباب كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية الاعتماد على الأسباب شرك. الفد دلس الأسباب كذلك من الضلال قدح في الشريعة. فخير الأمور وسطها. هذا الآن تعلمون avec cette bref introduction qu'on a fait أن هذا الأمر qu'on va étudier ensemble c'est pas من الأمر الهين. C'est lié avec le tawhid et le haqiqa. C'est lié avec l'aqida. On fait des efforts. On fait des efforts dans l'ilm. On ne perd pas notre temps dans le qil ou le qal. On ne perd pas notre temps dans on suit la masse hakada. Là, on fait des efforts dans notre ilm, et As-Sa'id est celui qui réussira avec idnillah azza wa jal, c'est celui qui fait des efforts fi hada, fi l'ilm, et il travaille son iman, il travaille sa aqida, et inshaAllah ta'ala, il sera à la khayr. Wa ta'lamoun anna, parmi les moyens utilisés pour ne pas avoir d'enfants, il y a plusieurs moyens qui sont propagés, que ce soit des pilules ou autres. Wa hadhi al-wasa'il ay fi mawani' al-ham ay les moyens contraceptifs fa fiha darar kabir ala al-muslima wa ala al-mar'a khassatan les pilules. Ça fait beaucoup de mal. Et ils citent hum, que ce soit les docteurs, que ce soit des musulmans ou des kuffars, ils sont d'accord en ces pilules, c'est la cause de as-saratan. Maintenant, on va surtout parler via des kalimas, des pilules. Les madal, c'est le moyen contraceptif qui est le plus propagé. Non. Fa min al-adrar, annahu ou anna hadhihi al-hubub tusabbib as-saratan. Wa hadha c'est ma'rouf. عند الاطباء وحتى عند الناس c'est معروف que ces pilules c'est la cause de certains cancers. كذلك ça provoque des maladies vasculaires. هذا كذلك c'est معروف عند الاطباء. كذلك c'est la cause de prise de poids عند المرأة. وكذلك ça fait du mal au cycle de la femme اي الدورة الشهرية الحيض اي les menstrues. فهذه الأضرار كلها c'est des adrar, c'est des méfaits physiques et corporels. Si tu rajoutes avec la cause qu'on a citée et l'aqida, pourquoi بعض النساء elles utilisent ces mawani, ça te montre al-mar'a doit faire très attention fi hada al-bab. La tatasahal. Wallahi anna ces choses ça fait du mal à ton din et ça fait du mal كذلك à ton corps. Wa an-nabiy صلى الله عليه وسلم قال كما في الحديث المشهور لا ضرر ولا ضرار. Et ça c'est une règle عند العلماء. Il la cite في كتب القواعد القواعد الفقهية. Il cite cette règle لا ضرر ولا ضرار. قال الشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه في شرح منظومة أصول الفقه والقواعد قال فكل شيء ضار فإنه ممنوع شرعا. Et ça c'est une règle أخي الكريم. Chaque chose qui te fait du mal, c'est mamnou' shar'an, et c'est pas autorisé dans notre din. Qala wa yakun ad-darar fi ad-din, que ça te fasse du mal dans ton din. Qala wal 'aql, ou ta raison, ou le badan, ton corps, ou le mal, tes biens, tout ça, si ça te fait du mal dans une des catégories que Cheikh Al-Uthaymeen l'a cité, qala wa yakun 'ala al-afrad wal mujtama', كذلك ce mal ça peut te faire du mal à toi, ça peut faire du mal كذلك à la communauté. قال وكل ضار فهو ممنوع والدليل قوله تعالى كذلك ولا تقتلوا أنفسكم. فعلى كل حال الأضرار معروفة ومشهورة عند العام والخاص que ces pilules contraceptives ça fait beaucoup de mal à la femme. Si t'as compris هذا et inshallah c'est compris que ça fait du mal, العلماء ورحمة الله عليهم وحفظ الأحياء منهم ils ont parlé de هذه المسألة كثيرا كثيرا لأن في الحقيقة انتشر عند النساء هذا بكثرة بكثرة حتى للأسف des femmes qui suivent السنة, des femmes qui connaissent ربما القرآن, qui connaissent هذا المنهج الطيب, ربما elles sont touchées par هذا أو par هذه الفتنة. فتأملوا لكلام علمائنا. قال أو سئلت اللجنة الدائمة وفقها الله سؤال ما حكم منع الحمل أو تحديد النسل. Ils ont posé cette question à la lajna daima, le fait d'utiliser ces moyens contraceptifs. الجواب, ils ont répondu يحرم منع الحمل. نعم, c'est haram de s'opposer ou de prendre, d'utiliser des moyens pour ne pas tomber enceinte et pour la femme. قال دون ضرورة تدعو إلى ذلك. Bien sûr, الضرورة c'est un autre حكم. الضرورة c'est une nécessité vitale. Et ça y est, معنا الكلام. أما الآن نحن on parle Et on explique al-hukm al-asl, le jugement, al-asl, la base, c'est que c'est haram. Sauf dans certaines exceptions, dans certains cas qu'on va citer. قال وتحديد النسل مطلقا لمنافاته مقصد الشرع وترغيبه في الزواج للعفة وكثرة النسل. نعم نعم. قال النبي صلى الله عليه وسلم أو النبي صلى الله عليه وسلم il a démontré plus dans plusieurs hadiths أن le bienfait d'avoir des enfants. تزوج الولود فإني مكاثر بكم الأمم. النبي صلى الله عليه وسلم l'a démontré أن se marier خاصة avec une femme qui بإذن الله عز وجل aura beaucoup d'enfants. النبي صلى الله عليه وسلم il a démontré أنه يوم القيامة ça sera le Nabi qui aura la plus grande communauté. هذا c'est un maqsad shar'i. S'opposer à ce maqsad, s'opposer à cette chose que le Nabi صلى الله عليه وسلم il a démontré et qu'il a voulu, s'opposer à هذا c'est haram. Et là, bien sûr, s'il y a une daroura. قالت اللجنة الدائمة قال ولما فيه من سوء الظن بالله في سعة أو في سعة رزقه وكثرة عطائه لمن يفعله خشية العجز عن النفقة. صحيح. C'est la conséquence d'une mauvaise aqida. سوء الظن بالله. المسلم يدوى بابغ هذا الظن السيء. الله سبحانه وتعالى سلوك رزق. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. C'est pas un moyen. Moins t'as d'enfants, plus t'auras de risques. Abadan. Kam min al-nas, robbama, il n'a pas d'enfants. Un couple, ils n'ont pas d'enfants. Et robbama, c'est des fuqara. Kam min al-nas, au contraire, ils ont beaucoup d'enfants. Et Allah subhanahu wa ta'ala, yarzuquhum. Al-mizan, c'est pas ça. Beaucoup ou pas beaucoup. Abadan. Al-mizan, c'est taqwa Allah. Al-mizan al-haqiqi, c'est al-tawakkul ala Allah. Hada. C'est ça, asbab al-risq. Qala. فإن كان هناك ضرورة تعلمون أن الضرورة على دي جوجمون سبيسيفيك الضرورة une nécessité فإن كان هناك ضرورة فالخطر كالخطر على صحة المرأة من الحمل أو من تتابعه جاز لها منعه أو منع تتابعه بما لا يضرها أما si cette femme على دي problème de santé أو le fait d'avoir maintenant chaque année elle tombe enceinte, elle a un enfant et ça lui fait du mal, elle n'arrive pas à supporter, il y a juste d'employer une méthode pour ne pas tomber enceinte, mais que ça ne lui fasse pas de mal. قال من عزل, et ça c'est une solution. العزل معروف, les sahaba ils l'ont appliqué في أيام النبي عليه الصلاة والسلام, et le Nabi صلى الله عليه وسلم ما أنكر عليهم, c'est مباح. خاصة عند الحاجة. العزل لما يجامع الرجل زوجته قبل الإنزال يسغتير ثم حتى سمني يغنط في فرج المرأة في فرج زوجته. هذا العزل اسم معروف. هذه سنزولوشن. قالوا وتعاطي حبوب ونحو ذلك كذلك prendre des pilules contraceptives et des choses min hadha al-bab lakin bi shart, c'est que ça lui fasse pas de mal ou un mal plus grand que le mal qu'elle risque en tombant enceinte. Hadha qalu inshallah on va détailler akthar. Qalu muhafazatan ala sihhatiha wa billahi at-tawfiq wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Fatwa al-lajna ad-da'ima bi ri'asat Sheikh Abdel Aziz bin Baz rahmatullah alayh. Dans cette fatwa on a le premier hukm أن الأصل dans la limitation des naissances في تحديد النسل أي employer ces moyens contraceptifs الأصل c'est que c'est haram إلا عند الضرورة. عند الضرورة كالمرض elle peut plus supporter. لكن on va préciser certaines choses الآن. أولا كما قال الشيخ عبد العزيز بن باز رحمة الله عليه il faut que cette ضرورة أي le fait que cette femme elle prend la décision de prendre ses pilules contraceptives, il faut que ça soit avec l'avis d'un médecin. Si on ouvre le bab, chaque femme elle prend l'avis elle-même, Elle ne sait pas. Rubama, elle croit qu'elle ne peut pas alors qu'elle peut. Rubama, elle pense qu'il va avoir un mal si elle tombe enceinte alors qu'il n'y a rien. Rubama, c'est taqwif min iblis, la'anahullah. Falihada, l'ulama, il cite cette condition. Un tabib, bien sûr, de confiance, bien sûr, il est mutakhassis fi hada shay, bien sûr, il connaît. Si il dit à cette femme, si elle tombe enceinte, ça va lui faire beaucoup de mal. Elle ne pourra pas supporter, etc. Fariyad al-Hal, elle a le droit de prendre ses pilules. Ou, qabla dhalik, al-Azl, hatta elle ne tombe pas enceinte et ça ne lui fait pas de mal. Qala Cheikh Abdel Aziz, rahmatullah alayhi. Cheikh Abdel Aziz Mubad. Qala, nakhtasil al-kalam, qala kama yajouz lil-rajul, an ya'zil anha lil-maslaha. Bien sûr, lil-maslaha. Amma s'il n'y a pas de maslaha, taqaddam ma'ana. Faut pas qu'on ouvre ce bab. Sans aucun sabab. Si la femme, elle n'est pas malade, et il n'y a aucune maslaha, tout va bien, Fafiyad al-Hal, il profite de cette ni'ma. Kama taqaddam. Il profite, c'est une ni'ma. Rubbama hada al-walad. Que ce soit un garçon ou une fille, c'est la cause de ton bonheur, fi dunya wal akhirah. Rubbama ça devient un talib ilm. C'est lui qui te montre. Rubbama c'est un salih. Et après ta mort, il yanfa'uk jiddan bid-du'a. Ou bis sadaqa, etc. On n'a pas le droit de fermer les portes du khayr. Abadan. Wala naghtar bil kuffar. Wallahi, le kuffar, ce n'est pas un exemple. Abadan. Nahnu, notre exemple, c'est al-anbiya wa al-rusul. Ils avaient des enfants. Nos exemples, c'est al-sahaba. Ils avaient des enfants, comme ta'lamoun. Notre exemple, c'est al-ulama. Ils ont des enfants. Hada. Tout ça basé sur le Coran et le Sunna, natawakkal ala Allah. On n'ouvre pas cette porte, abadan. Illa. لمصلحة أو دفع مضرة فلهذا قال شيخ عبد العزيز كما يجوز للرجل أن يعزل عنها لمصلحة نعم سي المصلحة سي أن بيان أو pour repousser un mal مثلا la femme elle est malade elle ne peut pas supporter قال وهكذا تعاطي بعض الأدوية للمصلحة نعم للمصلحة شيخ بن باز il appuie bien sur ça et c'est un taqhid مهم ça ça te montre que c'est pas une chose qui est permise مطلقا لا Al-aslu c'est haram, s'il y a une raison valable, fayajouz. Bien sûr, avec une autre condition qu'il va citer, قال, إِذَا كَانَ يَضُرُّهَا الْحَمْلِ لِمَرَدْ بِهَا أَوْ بِرَحِمِهَا هذا c'est معروف, que ce soit les malades elles-mêmes, ou elle a un problème au ventre, ou le tabib lui dit qu'elle ne pourra pas supporter, معروف, هذا عند النساء, قال الشيخ بن باز, فَيُقَرِّرَ الطَّبِيبَ الْمُخْتَصِ Bien sûr, un tabib, que muhtas bi hada shay, il est spécialisé dans ce domaine. Fi hada al-hal, ça te montre que tu n'écoutes pas tout le monde. Non, tu n'écoutes pas tout le monde. Là, tabib qui a de la khibra, il est muhtas, c'est un tabib de confiance, et c'est lui qui cite. C'est lui qui dit là, cette femme, si elle tombe enceinte, elle se fera beaucoup de mal. Faqal al-shaykh, rahimahullah, qala fa yuqarrir al-tabib al-muhtas ou al-atibba ou al-tabibat al-muhtasad bi anna حملها كل سنة أو كل سنتين يضرها نعم ça te montre qu'il peut avoir plusieurs cas tu peux avoir un genre de femme aslan elle peut pas tomber enceinte elle a un problème ça peut lui faire beaucoup de mal ou t'as un autre cas le fait d'enchaîner chaque année ça lui fait du mal فهذا الحال الطبيب il lui conseille et lui montre qu'elle doit arrêter un certain temps ça lui fait du mal ففي هذا الحال يجوز لها يجوز لها de prendre ses حبوب لكن تنتبه elle prend des حبوب et elle se renseigne sur une catégorie de pilules qui ne fait pas de mal ou qui fait moins de mal نعم قال بأن حملها كل سنة أو كل سنتين يضرها فقد تتعاطى بعض الأدوية التي تجعلها تحمل بعد سنتين إلى آخر نعم ça c'est مهم La dernière parole de Cheikh Abdel Aziz, rahmatullah alayhi, elle est muhimma, et elle montre qu'il y a une différence entre tahdid al-nasl ou tanzim al-nasl. Ou entabihu li hada. Entabihu. Tahdid al-nasl, ça veut dire bloquer. Tahdid, limiter. Matalan, au bout d'un enfant, deux enfants, ce couple décide, on ne veut plus d'enfants. Hada la yajouz mutlaqan. Comme on a lu la première fatwa de l'ajna da'ima. وتحديد النسل مطلقا أي حرام هذا لا يجوز سين موفيز نية Et c'est un su'udhan billah, khasatan li'anna la plupart des gens, ils veulent s'arrêter au bout de deux ou trois enfants, li'annahum, ils ont peur du risque et ils ont peur de l'avenir. Hadi, c'est une aqida khatira jiddan. Su'udhan billah. Na'am. Fahadala. Kadhalik, ça contredit al-maqsad al-shar'i qu'on a cité fil hadith. تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم الأمم. Et dans la lafte, يوم القيامة. Enfin, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a appelé à faire des enfants. حتى notre communauté, c'est la plus grande يوم القيامة. هذا c'est مهم. Donc, تحديد النسل, أي limiter les naissances, alors qu'il n'y a aucune cause. Bien sûr, on ne parle plus de daroura. Daroura, là, son hukm. Si la femme elle a besoin, un docteur, il lui montre qu'elle se fait du mal, elle ne peut plus tomber enceinte. Riyad al-Hal, ma'rouf. لكن نحن الآن وبعض يا أكن حاجة يا بد ضرورة ففي هذا الحال سحرام تحديد النسل أما تنظيم النسل ومعلي على كلام الشيخ عبد العزيز رحمة الله عليه تنظيم النسل c'est différent التنظيم c'est le fait de contrôler si y a aucune حاجة كذلك سحرام لكن il peut avoir un cas où cette femme enchaîner les grossesses ça lui fait beaucoup de mal le tabib il va lui dire elle doit arrêter un ou deux ans elle doit arrêter un ou deux ans. Ah, voilà une hajj. Un ou deux ans, elle arrête. Elle n'a pas la niya de ne plus avoir d'enfant. Là, laquelle elle est dans un cas où elle a besoin d'arrêter. Elle a une excuse. Elle emploie les moyens que l'ulama ils ont cités. Imma l'azl, imma ses pilules ou autre. Tumma, dès que le darar, il n'y a plus de darar, dès que le mal, il n'est plus présent, elle revient au hukm de base. Elle n'a pas le droit d'appliquer hada. Enfin, on doit bien différencier entre هذا تحديد النسل والتنظيم تنظيم النسل. قال الشيخ عبد العزيز بن باز رحمة الله عليه. قال أما ما قد يفسر به تنظيم النسل بأنها تتعاطى أدوية تمنع الحمل بعد ولدين أو بعد ثلاث أو بعد أربعة هذا ليس بتنظيم ولكن قطع النسل قطع للنسل نعم وهذا الفكر المعروف. كذلك الفكر جاء من الغرب. Certains couples ils veulent un garçon et une fille, Thomas, ils arrivent. Là, voilà, ça contredit le hadith qu'on a cité et les versets. Ça contredit ça. On n'a pas le droit de bloquer cette ni'ma. L'imad. Et vous verrez que la cause, comme on répète, c'est cette faiblesse dans l'aqid. قال الشيخ عبد العزيز قال هذا ليس بتنظيم ولكن قطع للنسل وحرمان للزوجين من النسل وهذا لا يجوز. Enfin, il faut bien différencier. Léanna kathiran, ça arrive beaucoup que c'est une période limitée, cette femme, elle ne peut pas. Elle est tombée malade, elle a une faiblesse. Cette période, elle ne peut pas. Enfin, le tabib, le docteur, il va lui dire, cette période, elle ne peut pas, il faut qu'elle se repose. Tomber enceinte, ça va lui faire beaucoup de mal. Al-ulama, ils autorisent cette période, elle se repose. Cette période, elle utilise ses moyens contraceptifs. Si ça va mieux, alhamdulillah. Amma, hada al-fikr, avoir une famille de deux enfants, trois enfants, faqat, hada al-haqiqa, ça vient min al-gharb. Wallahi, on répète à ses enfants, bi-idnillah azza wa jal, c'est une ni'ma, et inshallah, c'est toi, le père, et c'est toi, la mère, qui vont se tafet min ha'oula al-awlat. Qala, wa hada la yujuz, li'an al-shari'a al-islamiyya al-kamila, ja'at bil-bahth. عن تعاطي أسباب الولادة انتهى الكلمة من موقع الشيخ عبد العزيز رحمة الله عليه نعم تقدم هذا أن الشريعة الكاملة الإسلامية نهت عن هذا أي لفت de tuer أو de limiter les enfants هذا لا يجوز كله على كل حال النصيحة للجميع أن نحافظ على هذه النعمة أن نحافظ على هذه النعمة فمن نعم الله عز وجل Et تقدم معنا dans la مقدمة qu'on a fait أن سنعم سنعم كثير من أعداء الله يحاربونها. فنحن n'a pas le droit en tant que muslim, on reconnaît ces ni'ma et on sait que c'est une ni'ma, ثم on n'en prend pas soin, on ne préserve pas. هذا لا يجوز. والله لو تعلم ما في هؤلاء الأولاد من الخير فلا أظن أحد إلى غير employé ces moyens أبدا إلا عند الحاجة والضرورة تأمل قول النبي عليه الصلاة والسلام إن الله عز وجل لا يرفع الدرجة للعبد الصالح في الجنة عبد صالح في الجنة Allah subhanahu wa ta'ala, il va l'élever en degré. Su'ad, sayakoul, ya Rab, anna li hadha. Su'ad, il va dire ya Rab. D'où cette élévation, elle vient. Min ayn hadha. Il sait qu'il a ce niveau fil jannah, il va être élevé. Et il ne saura pas pourquoi. Et il va demander à Allah Azza wa Jal. Fayaqulu Allah Azza wa Jal, bi istighfar waladika lak. Al hadith sahahu Sheikh Muqbil rahmatullah alayhi. La cause, ton enfant, un enfant salih, quand tu es mort, il faisait beaucoup d'istighfar pour toi. Et il faisait dua et il demandait à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il pardonne à son père ou à sa mère. Ma balouk celui qui a deux enfants, ma balouk celui qui en a trois, ma balouk celui qui en a quatre, cinq, six. Ma balouk. Et kadalik c'est ni'ma. Et c'est une manfa'a kadalik fi dunya. Fi dunya. Les personnes âgées, ya'lamoun hada. Ya'lamoun. Plusieurs enfants, hada, il l'aide dans tel domaine. Celui-là, il l'aide financièrement. Celui-là, il reste avec lui. Celui-là, il s'occupe de lui. Robama, un jour, celui-là, il est occupé, c'est un deuxième qui s'occupe. Ni'ma. Et kadalik le bayt. Quand il est amir bil awlad, c'est nour. Lakin al fitra taghayyarat ba'd an-nas. Et ba'd an-nas, ils ont une pensée en ce qui vient min al-gharb min al-kuffar, c'est une vérité. La vérité elle est fil kitab, elle est fil sunna. La vérité elle est fil manhaj as-salaf as-salih. Non, la nasiha كذلك c'est at-tawakkul 'ala Allah. Wallahi an ar-rizq la tadun an-nas bi kathrat al-'amal. La tadun an ar-rizq c'est dans un endroit précis. نعم بعض الناس لين عقيدة أنه عند الكفار إلو غادو رزق سي في الهجرة مثلا بلاد المسلمين سي فورسيمون لا بوفرتي عقيدة باطلة باطلة سانو في دو مال دون بوكو د عبادات سانو في دو مال دون سو سوجي سو كون فيان ديتيدي بريفمون لا كونتراسيبسيون كذلك سانو في دو مال دون الهجرة كذلك سانو في دو مال دون بوكو د شوز نتوكل على الله. Et Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui qui rizq. Wallahi, بعض الناس في بلاد المسلمين أثرياء. Wallahi, بعض الناس, ils sont millionnaires et ils vivent dans un pays musulman. Et ta'alamoun, بعض الناس sont في بلاد الكفر, c'est des fuqara. C'est pas ça le mizan. نتوكل على الله ومن يتوكل على الله ومن يتوكل على الله فهو حسبه. أي يكفيه. Allah subhanahu wa ta'ala يكفيه. حسبنا الله ونعم الوكيل. كذلك النصيحة العناية بتربية الأولاد. Ça c'est muhim. Faire des enfants c'est une ni'ma. En avoir beaucoup c'est une ni'ma. Lakin al-inaya, c'est une responsabilité. Kullukum ra'in, kullukum ra'in wa kullukum mas'oul an ra'iyatih. Yawm al-qiyama, tu rendras des comptes. Na'am. Ces enfants, s'ils sont éduqués, une éducation hasana tayyiba, et tu fais des efforts, inshallah, t'as fait ton travail. Et yawm al-qiyama, tu trouveras ton khayr. Ou alors si cet enfant il s'égare, t'as fait les causes, t'as fait ce que tu pouvais. Lakin kathir min al-aba, kathir min al-ummahat, idayya cette ni'ma. Idayya. Aucune éducation. Pas d'ilm. Pas de tarbiya ala sunna. Belle, on est dans une époque l'an, cet enfant il est devant l'ordinateur, ou devant la télé, ou devant les téléphones, toute la journée. L'essentiel pour ce père et cette mère, c'est que l'enfant ne bouge pas. C'est pas ça de tarbiya. Ça c'est min al-dhaya'. Ça c'est min al-dhaya'. Et yawm al-qiyama, tout ça, c'est fawq ra'sik ayyuhal ab, ayyatuhal um. On fait des efforts. Celui qui prend la responsabilité de se marier, thumma, d'avoir des enfants, il prend sa responsabilité. Wa yatawakkal 'ala Allah, et il fait beaucoup de dua. An Allah subhanahu wa ta'ala, il lui facilite l'éducation de ses enfants. Al-haqiqa, c'est pas facile. إلا pour celui qu'Allah subhanahu wa ta'ala il facilite. كذلك وهذا سنتنبه مهم qu'on voulait faire الحذر من بعض الأطباء. On conseille les femmes المسلمات de faire attention. بعض الأطباء من الأعداء من الكفار ils ont du مكر فربما يتسببون. Ils savent que c'est une ni'ma le fait d'avoir des enfants, et en حقيقة c'est un tartit kufri. Ils font tout, ou ils font des choses pour que cette femme elle tombe plus enceinte, alors que c'est une muslima, elle est jeune, elle veut avoir des enfants, elle reconnaît cette ni'ma. فَهَذَا الطَّبِيبَ الْخَبِيثِ يَتَسَبَّبْ. C'est la cause que cette femme elle a plus d'enfants. Imma, il lui donne des médicaments qu'il ne faut pas et ça lui fait du mal, elle n'arrive plus à tomber enceinte. Imma, il lui conseille une opération, elle n'a pas à être opérée. فَرُبَّمَا, elle ne peut plus tomber enceinte, elle ne peut plus avoir d'enfants. فَالْحَذَرَ الْحَذَرَ. Et la première génération qui est en France, la génération de nos mères, beaucoup, elles ont été touchées par hada. Elles ont eu affaire à des atibba min a'da al-islam, et ils leur ont fait croire qu'elles étaient malades, Ton mari a eu des opérations. Beaucoup d'entre elles, ces femmes, elles n'ont pas pu avoir d'enfants. Au bout du deuxième, du troisième, elle n'a plus eu d'enfants. Tomma, avec des recherches, avec ça, c'est probable, c'est ma'rouf. Ça a été reconnu, ils ont fait ce charf. Al-hadar, al-hadar. Kadhalik, ce point, ça montre la gravité de vivre inda a'da al-islam. Le conseil qu'on fait, qu'on refait, khassatan, fi hadhihi al-awina al-akhira, la situation en France avec tout ce qui s'est passé, al-nasiha, c'est al-hijra lil-jami'. Al-hijra. On ne reste pas toujours, on attend. Là. On conseille les frères, on conseille les pères, on conseille ceux qui ont une responsabilité. Ils ne laissent pas les femmes et les enfants. Celui à qui on fait du mal, il a une part de responsabilité. Il ne peut pas se défendre. Et il n'y a personne pour te défendre. Et tu n'as pas les moyens. C'est matloub. فنحن ننصح دائما وابدا نفخر انهم يفون دي زيفور في هذا البر يفون دي زيفور ومن يتق الله يجعل له مخرجا والله ان لي كلي دو الهجره سي با لا سي با لارجون لي كلي دو الهجره سي با توجور ريبوسي tu sais pas quand est-ce que tu vas mourir اخي الكريم والله tout ça c'est fondé sur une niya et tawakkul ala Allah et celui sa niya elle est pour Allah subhanahu wa ta'ala فالله سبحانه وتعالى il lui facilite. هذا الحقيقة ce sujet il demande plus qu'on approfondisse plus. لكن كما تعلمون الوقت il est ضيق. C'est عبارة عن نصيحة. Inshallah Allah سبحانه وتعالى il nous yassir un peu de temps on développe ce genre de sujet أكثر فإنه c'est مهم جدا. Et celui qui veut détailler أكثر on lui conseille le livre de notre cheikh Jamil As-Salwi Havidahullah Ta'ala avec la préface de Cheikh Yahya Al-Hajouri Wafakahullah Ta'ala Fath Allam Al-Ghuyoub Fi Bayan Mali Tahdid Al-Nasl Wa Wasailihi Min Adrarin Wa Uyoub. C'est un livre nafi' jiddan. Khassatan il a cité la parole de docteur Muslim, khassatan notre frère Faisal Al-Wadi'i qui était avec nous à Dammaj, c'était le docteur à Dammaj. Et il a fait des études dans ce domaine et il a cité beaucoup de choses. Nous, on n'a pas cité, il y en a assez trop long et il y avait des termes de médecine. Enfin, celui qui veut étudier le sujet, on lui conseille cette risala, elle est muhimma. كذلك الشيخ مقبل رحمة الله عليه لا إن كلمة في هذا كذلك شيخنا عبد الرقيب الكوكباني لا رسالة لا إن كلمة في هذا كذلك شيخنا عتيمين شيخ من باز وبوك الكلام في هذا فنسأل الله سبحانه وتعالى للجميع التوفيق والسداد ونسأله عز وجل أن يجنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن وصلى الله وسلم على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين مع تحية دماج افاق.com ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار الحذر من الركون إلى الظلمة من شيعة أو حزبيين لا تركن إليهم هؤلاء ثعابين